بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le cours 41. On est toujours en train de parler sur ce qui est contradictoire avec l'Iman. Ma huwa mukhalif lil-Iman. Ce qu'on est en train d'apprendre dans ce livre, ma huwa l'Iman. On est en train d'apprendre dans ce livre qu'est-ce que la foi. On a parlé des piliers de la foi, arkan al-Iman, un par un, détaillé. Et ensuite, on est rentré dans le contraire de l'Iman. On est rentré dans ce qui contredit la foi. Pourquoi ? Pour bien connaître la chose. Parce que chaque chose, tu la connais bien quand tu connais son contraire. C'est pour ça que le musulman, allez comme ça, le musulman, il doit apprendre le khayr et il doit apprendre aussi le shar. يتعلم الخير ليعمل به ويتعلم الشر يتركه. Le musulman, il doit connaître le bien pour le faire et le mal pour l'abandonner, pour le délaisser. Pourquoi ? Parce que al-jahil, celui qui est ignorant, il se peut qu'il fasse une chose mauvaise sans savoir. Al-jahil qad yaqa'u fi al-ma'siyah wa huwa la yadri. Il tombe dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas. Yaqa'u fi shirk, yaqa'u fi al-kufr wa huwa la yadri. Il tombe dans la mécréance en Allah azza wa jalla. Il tombe dans l'association qui est le pire des péchés et il ne sait pas. Il croit qu'il fait un bien. C'est pour ça que les savants de l'islam dans leurs livres, quand ils parlent de l'Iman, quand ils parlent de la foi, ils font suivre ça souvent par ce qui contredit la foi, qui est la mécréance. Ils t'expliquent qu'est-ce que la mécréance et en combien de catégories elle se divise. Pourquoi ? Pour que le musulman, il connaisse le mal et ne tombe pas dedans. C'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam, a dit كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète alayhi salat wa salam sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal par de peur qu'il ne m'atteigne. Et comme j'avais peur de faire du mal sans le savoir, j'apprenais du prophète alayhi salat wa salam le mal et dans toutes ses formes pour l'éviter, parce que si tu connais pas le mal tu tombes dedans. Wala shakka an a'zam ash-shar huwa al-kufr billah azza wa jalla. Et sans aucun doute la chose la plus mauvaise et la pire des choses, c'est la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ici on lit des questions sur al-kufr billah. Ma huwa al-kufr? Qu'est-ce que ça veut dire al-kufr billah, la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala? Et la semaine dernière, on a vu que kafara, ce mot-là dans la langue arabe, il veut dire sitr ou tardiya. Il veut dire cacher et couvrir. Al-kafir summiya kafiran li'annahu yastur al-iman wa yughatti. Le mécréant en arabe, il a été appelé par ce mot kafir qui veut dire celui qui a caché la foi et qui a couvert la foi. Et en arabe, celui qui fait le cultivateur en arabe, zari, yusamma bi kafir kadhalik. Celui qui fait qui plante dans la terre des graines, en arabe, on peut dire zari et on peut dire aussi kafir. Parce que ce mot-là à la base, il veut dire couvrir. Et lui, il a été appelé kafir pas parce qu'il est mécréant. Il a été appelé kafir parce qu'il couvre. Il couvre les graines dans la terre. Et c'est de ça qu'Allah y parle quand il dit كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أي أَعْجَبَ الزُّرَّاعَ نَبَاتُهُ. Donc Allah dans le Coran, il parle de dunya. Il dit que la dunya c'est comme le ghayth. Le ghayth c'est la pluie. La pluie, elle tombe. Après, qu'est-ce qui se passe? A'jaba al-kuffar nabatuhu. Dans la terre, il n'y a rien du tout. Et d'un coup, il y a des plantes qui sortent de la terre. Et les zurra' qui ont été appelés kuffar ici, ils sont étonnés parce qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent. Donc on a vu que kafara, ça veut dire setr al-iman, cacher la la foi. Et on a vu qu'al kufr yanqasimu ila qismayn, kufrun akbar wa kufrun asghar. La mécréance qui est citée par Allah dans le Coran ou par le prophète alayhi salatu wa salam dans la sunna, elle se divise en deux: la mécréance majeure et la mécréance mineure. Al-kufr al-akbar yukhriju min al-islam. Al-kufr al-asghar la yukhriju min al-islam. Donc la mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam. C'est-à-dire que la personne qui tombe dans la mécréance majeure, elle n'est plus musulmane. Et la mécréance qui tombe, la personne qui tombe dans la mécréance mineure, elle est encore musulmane. Donc c'est quoi la différence? C'est que la mécréance mineure, c'est un grand péché. Kabira min kaba'ir adh-dhunub, walakin la yakhruju min al-islam. C'est un grand péché, très grave, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Et la mécréance majeure a fait sortir de l'islam. Et c'est d'où qu'on a trouvé ça? C'est dans le Coran et dans la Sunna. Des fois, on va voir là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mot kufr, ou le prophète alayhi salatu wa salam, et pourtant la personne qui fait la chose, elle n'est pas, du mot mécréance, la personne qui fait la chose n'est pas mécréante. Donc c'est de là que les ulama, ils ont compris que le kufr, la mécréance, elle se divise en deux: akbar, asghar, majeur, mineur, mukhrij min al-islam, ghayr mukhrij min al-islam. Un qui fait sortir de l'islam et une autre qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, on a vu que al-kufr al-akbar, la grande mécréance, lahu usul. C'est-à-dire que al-kufr al-akbar, la mécréance majeure, elle a des bases. Kama anna al-iman lahu arkan, hiya usul al-iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lil akhir wal qadar khayrihi wa sharrih. Al-kufr kadhalik lahu usul, lahu arkan. Comme la foi a des bases qui sont les six piliers de la foi, quand on dit les bases, c'est parce que celui qui n'a pas ces six piliers de la foi, il n'est pas croyant. Celui qui ne croit pas en Allah, ou aux anges, ou aux livres, ou aux prophètes, ou au jour dernier, ou au destin, il ne sera pas croyant. La mécréance est pareil, elle a des bases. Celui qui tombe dans une de ces bases, il devient mécréant. الذي يقع في أصل من أصول الكفر يكفر بالله عز وجل. Celui qui tombe dans une base de la foi, il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici la question qu'on a lue la semaine dernière: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة. En combien de catégories se divise la mécréance majeure qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam? Et la semaine dernière, on en a vu combien? 4. On en a vu 4. Et ici, la réponse est اعلم علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام. Que la mécréance majeure, elle se divise en 4 catégories. Ça veut dire que les bases de la mécréance, ou on peut dire aussi les piliers de la mécréance, ils sont de 4. Mais après, il y a beaucoup de choses qui te font tomber dans la mécréance. Mais toutes ces choses, elles découlent de une de ces quatre choses. La première, kufru jahlin wa takdhib. La deuxième, kufru juhud. Troisième, kufru inadin wa stikbar. La quatrième, kufru nifaq. C'est-à-dire, la première, c'est la mécréance du démenti et de l'ignorance. Et on va les voir une par une, qu'est-ce que ça veut dire. La deuxième, la mécréance de... comment ça se traduit? Oh, Eux, ils ont traduit ça par la mécréance d'ingratitude. Mais nous, on va bien voir ce que c'est. La troisième, wa kufru inadin wa istikbar, la mécréance de l'orgueil et de l'entêtement ou de l'indocilité. Et la quatrième, wa kufru nifaq, la mécréance de l'hypocrisie. Et maintenant, on va aller voir une par une et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Su'al الرابع والستون بعد المئة 164 ما هو كفر الجهل والتكذيب. De quoi on parle quand on parle de la mécréance, d'ignorance et de démenti? Qu'est-ce que ça veut dire ça? الجواب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله. Et ici le Cheikh rahimahullah, il a cité en réponse à cette question 5 versets du Coran. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres, mais c'est juste des exemples ici qu'il a cités. Et dans le premier verset, avant de citer les versets, il dit, dans la traduction en français, c'est une mécréance à la fois externe et interne, comme c'est le cas de la plupart des mécréants parmi les Quraychites, le peuple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et les communautés qui les ont précédées, dont Allah dit, traduction du verset, ceux qui traitent de mensonges le livre, c'est-à-dire le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt. C'est-à-dire, ils vont bientôt savoir ce qui va leur arriver. Et Allah Azzawajal a dit, wa'arid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Donc, cette catégorie de mécréance, c'est celui qui dément. Alladhi yukadhibu bil kitab, walladhi yukadhibu bin nabi alayhi salatu wassalam, la yusaddiq. Celui qui dit ou qui dément une parole d'Allah Azza wa Jal ou du prophète alayhi salatu wassalam, et quand il va faire ça, sans aucun doute il ne va le faire que parce qu'il est ignorant. La yukadhibu billah illa al-jahil wa la yukadhibu bin nabi alayhi salatu wassalam illa al-jahil lidhalika huwa kufru al-jahl wa takdhib li'anna al-takdhib bisabab al-jahl. Donc celui qui va démentir et qui va dire d'une parole d'Allah que ce n'est pas vrai, d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam que ce n'est pas vrai, il aura réfuté ou refusé de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ça, il sera tombé dans le kufr al-akbar, il sera tombé dans la grande mécréance. Donc quand une personne fait le démenti là, elle dément ce qui vient d'Allah ou du prophète alayhi salatu wassalam, elle dit que c'est pas vrai, eh ben, elle ne le fait que à cause de son ignorance. Car celui qui connaît la vérité ne pourra jamais démentir ce qui vient d'Allah ou du prophète, alayhi salatu wassalam. Alladhi ya'rifu al-haq, yukadhibu Allah wa rasul. Celui qui connaît la vérité, il va démentir Allah ou son prophète, alayhi salatu wassalam. Abadan. Jamais. Et c'est pour ça que ça a été appelé kufr al-jahl wa takdhib. La mécréance d'ignorance, de démenti, parce qu'il ne dément que à cause de son ignorance. Regardez maintenant, après avoir entendu ça, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Alladhina kadhabu bil kitab, Quraysh, kadhabu bil Qur'an, wa bima arsalna bihi rusulana, kadhabu bil Qur'an, wa kadhabu bil sunnah, bil sunnah til anbiya, fasawfa ya'lamun, ya'ti waqt ya'lamun, ma'na hadha, annahum l'an la ya'lamun. لا يعلمون ولذلك يكذبون. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du verset, ceux qui ont démenti le livre, c'est le Coran, et ce avec quoi nous avons envoyé nos messagers, qui sont la sunna des prophètes, ceux qui ont démenti le livre et la sunna des prophètes, ils sauront bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant ils ne savent pas, et c'est ça qui les a poussés à démentir. Donc celui qui dément Allah ou son prophète alayhi salatu wasalam, il mécroit en Allah azza wa jal. Wa qala ta'ala wa a'rid 'anil jahilin. Allah il dit au prophète alayhi salatu wasalam, et détourne-toi des ignorants. Et les ignorants dont Allah parle ici sont les kuffar, sont les mécréants. Allah sammahum jahilin wa hum alladhina yukadhibuna bil kitab wa bi kalam an-nabi alayhi salatu wasalam. Allah il les appelait ignorants, les kuffar, les mécréants, qui démentent Allah et son prophète alayhi salatu wasalam. طيب. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا. الفوج هي الجماعة. Allah dit dans la traduction du verset, et le jour où on rassemblera de chaque communauté un groupe, mimman yukadhibu bi ayatina, parmi ceux qui démentaient nos versets, ils n'y croyaient pas. Fahum yuzaun. Donc yuzaun, yani ils vont être rassemblés, ils vont être placés en rang. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. Et quand ils vont venir يوم القيامة, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal va leur dire, vous avez démenti mes versets alors que vous n'avez pas l'ilm, vous n'avez pas la connaissance de ces versets, et vous n'y avez pas cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ce verset que takdib بسبب الجهل ولم تحيطوا بها علما ما تعرفون عنها شيئا وكذبتم بها أم ماذا كنتم تعملون. Ou bien qu'est-ce que vous avez fait. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. Dans la traduction du verset, bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne connaissent, ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, ce qu'ils ne peuvent connaître. Ils ont traité de mensonge une chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc, traiter de mensonge les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, c'est du kufr billah akbar. C'est de la grande mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-khamis wa sittun ba'd al-mi'ah, question 165. Ma huwa kufr al-juhud? Quelle est la mécréance de contestation? De contestation. Celui qui conteste. Al-jawab. Huwa ma kana bi kitman al-haqq wa 'adam al-inqiyad lahu dhahiran ma'a al-'ilm bihi wa ma'rifatihi batinan ka kufr fir'aun wa qawmi Musa wa kufr al-yahud bi Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جزاك الله خير. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Et une partie d'entre eux. طيب, on va les traduire tous les versets, les expliquer. Donc la deuxième catégorie de mécréance, c'est la mécréance de contestation. La mécréance de contestation, celui qui conteste, الذي يجحد آيات الله عز وجل, c'est celui qui cache, c'est-à-dire il cache dans son cœur qu'il sait que c'est la vérité, il sait que c'est la vérité, il le cache dans son cœur et dans les membres, fait zahir yukadhib ou fait le batin yusaddiq. À l'intérieur il sait que c'est vrai, mais à l'extérieur de ce qu'il montre, il montre qu'il croit pas. Alors qu'en vérité, il sait que c'est vrai et il croit. D'accord? Les premiers là, ils ne croient pas. Les deuxièmes là dont on parle ici, ils croient, ils savent que c'est vrai, mais ils ne le montrent pas et ils le montrent qu'ils ne croient pas. Et c'est de ça qu'Allah Azza wa Jal il parle comme mécréance de Pharaon avec le peuple de Moussa, comme mécréance des Yahouds, des Juifs et d'autres. Allah Azza wa Jal dans le verset, quand il parle de Pharaon et de son peuple, il a dit wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa. Allah Azza wa Jal il dit wa jahadu biha, ils ont contesté les versets d'Allah, ils ont dit que ce n'est pas vrai. Quand Moussa alayhi salam il est venu à Pharaon et qu'il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam il a lancé le bâton qui s'est transformé en quoi? Serpent. S'est transformé en serpent. Pharaon il a vu ça de ses yeux. Pharaon quand il a vu ça de ses yeux, il était convaincu que c'était la vérité. La yashuk fi anna hadha haqq. Il n'a jamais douté que c'était la vérité. Walakin kadhaba bi qawlihi. Lakin fi qalbihi ya'rif annahu al-haqq. Hadha kufr al-juhud. Pharaon quand il a vu cette chose, il a su que c'était la vérité, c'était impossible que ce soit du mensonge. Mais avec sa langue, il a dit à Moussa, tu es un sorcier, tu es un menteur, etc. Il a caché qu'il y croit. Et cette mécréance-là, elle s'appelle Kufr al-Juhud. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de Pharaon et de ceux qui étaient avec lui, qui ont combattu Moussa, il a dit, وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont mécru, ils ont contesté nos signes, nos versets, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ أي فِي أَنْفُسِهِمْ يَقِينَ. Ils ont mécru en nos signes, alors qu'à l'intérieur d'eux, il y avait la certitude. Ils en étaient sûrs, ils savaient que c'était la vérité. Zulman wa uluwa. Injustement et par orgueil. Wa qala ta'ala fil yahoud. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des juifs dans Surat al-Baqarah, il a dit dans la traduction du verset, quand donc leur vint ceux-là, même qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. C'est-à-dire que les Yahoud, quand ils savaient qu'il y avait un dernier prophète qui allait arriver, ils savaient, ils attendaient un dernier prophète. Mais ils voulaient que ce prophète, il ne vienne pas de chez les Arabes. Ils voulaient que ce prophète, il vienne des enfants de Ishaq. Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a eu Ismaïl et Ishaq. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Ibrahim soit un prophète. Pareil pour Ismaïl, pareil pour Ishaq. Là, il y a Ibrahim. Ibrahim, il a eu Ismaïl et Ishaq. Ishaq, lui, il a eu des enfants qui ont été des prophètes. Il a eu Yaqub. Yaqub, c'est un prophète. Et Yaqub, il a eu Youssouf. Youssouf, c'est un prophète. Et les enfants de Yaqub, ce qu'on appelle Banu Israël. Le maqsoud b'Israël, c'est Yaqub. Banu Israël, yani Banu Yaqub. Quand on parle de Banu Israël, on parle des descendants du prophète Yaqub. Les descendants du prophète Yaqub, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Et ils attendaient un dernier prophète. Mais ils voulaient pas qu'il vienne de Ismaïl. Ils voulaient qu'il vienne de Ishaq. Mais ils avaient dans la Torah, la description, wasf al-Nabi alladhi sayati, la description du nouveau prophète qui va venir. Et quand ils ont vu le prophète Mohammed arriver, alayhi salam, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Quand le prophète alayhi salam il est venu, ils ont regardé, ra'arafu annahu nabi alayhi salam kafaru bih, kufr al-juhud. Kadhabu bi al-sinatihim wa saddaqu fi qulubihim. Quand le prophète leur est venu, Mohammed, et ils ont vu alayhi salam en lui la description qui était marquée dans leur livre, mais qu'ils ont vu qu'il venait de Ismaïl, il venait pas d'Ishaq, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté, ils ont mécru en lui. Et Allah ici, quand il a parlé de ça dans le verset, il a dit, lorsqu'il est venu à eux et qu'ils l'ont reconnu, ils ont mécru en lui. Ils ont dit, tu n'es pas un prophète, on ne te croit pas. Mais dans leur cœur, ils avaient aucun doute que c'était lui le dernier prophète. Et cette mécréance-là, elle s'appelle la mécréance du juhud, mécréance de contestation. C'est le fait de savoir que c'est la vérité, mais de dire que c'est pas la vérité avec avec la langue et de ne pas suivre. وَقَالَ تَعَالَى وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَخْفُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Allah, quand il parle des juifs encore, il dit, et une partie d'entre eux cachait la vérité alors qu'ils savaient. Ils savaient qu'ils cachaient la vérité. Cette mécréance-là s'appelle Kufr al-Juhud. السؤال السادس والستون بعد المئة question 166 ما هو كفر العناد والاستكبار. Qu'est-ce que la mécréance d'orgueil et d'entêtement? D'accord, ça c'est la troisième catégorie parmi les catégories de grandes mécréances de kufr akbar. الجواب هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب الاستكبار كان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Donc la réponse à cette question qui est qu'est-ce que la mécréance d'orgueil et d'indocilité ou bien d'entêtement, la réponse qui a été donnée par le Cheikh rahimahullah, c'est il s'agit de l'insoumission à la vérité tout en la reconnaissant comme l'incroyance d'Iblis dont Allah a dit. Et ensuite il a cité le verset. Avant de parler du verset, ici lui il a dit c'est le fait de ne pas se soumettre à la vérité. On va résumer cette mécréance et celle qui est venue avant. La contestation, al-juhud, wa al-istikbar. Kufr al-juhud ou kufr al-istikbar. La mécréance de contestation et la mécréance d'orgueil. Qu'est-ce que c'est? La mécréance de contestation, c'est adam al-qaboul. Adam al-qaboul. Et la mécréance, c'est-à-dire de ne pas accepter. Donc, on sait que c'est la vérité, mais le cœur, il n'accepte pas. D'accord? Ensuite, celle-ci là, la mécréance d'orgueil, c'est que on sait que c'est la vérité, mais on se soumet pas. Adam al-inqiyad. Donc dans la première, on n'accepte pas. Dans la deuxième, peut-être qu'on accepte, mais on se soumet pas. Vous avez compris? Et c'est ça là, ce qu'Allah dit sur qui? Iblis. Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala, al-shaytan, quand Allah il lui a dit de se prosterner, Iblis il sait que c'est la vérité. Et il accepte que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il refuse de se soumettre. Il accepte que cet ordre il vient d'Allah. Il accepte de reconnaître que c'est la vérité. Mais il ne veut pas se soumettre. Il veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit sur Iblis, illa Iblis, quand il parle des anges qui se sont tous prosternés, il a dit ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Aba, il a refusé. Wastakbar, il s'est enorgueilli, il s'est gonflé d'orgueil. Wa kana min al-kafirin, et cela l'a conduit à être parmi les mécréants. Donc on voit ici une chose, Allah ici nous apprend une chose, c'est que quand tu refuses ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wa salam, ça va mettre dans ton cœur al-kibr, ça va mettre dans ton cœur l'orgueil. Et quand l'orgueil il tombe dans ton cœur, cet orgueil il peut t'amener au kufr billah subhanahu wa ta'ala, à la mécréance en Allah. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'orgueil? La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome. Le poids d'un atome, ça se voit pas, il y a même pas de poids dans ça. Celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. Le compagnon, quand il n'a pas compris ça, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, dans le sens du hadith, j'aime bien porter des beaux vêtements, j'aime bien m'habiller correctement. Il a cru que ça faisait partie de l'orgueil, ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, c'est pas ça l'orgueil. Il lui a dit, al-kibru, al-kibru, batarul haqi wa ghamtun nas. Il a dit, l'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est de cet orgueil-là que celui qui a un atome dans le cœur, il sera privé de l'entrée au paradis. S'il est croyant, ça veut dire qu'il sera privé de rentrer tout de suite. Mais il va rentrer un jour. Et si c'est un kafir, il sera privé d'y rentrer. L'année, il ne pourra jamais y entrer. Donc, ici, on est en train de parler de l'orgueil, celui qui fait que tu n'acceptes pas le dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus particulièrement, التوحيد, l'unicité d'Allah, azza wa jal. La taqbalu la ilaha illallah, hadha kufr istikbar. Que tu n'acceptes pas la ilaha illallah. Et tout ce qui va venir de la ilaha illallah, c'est de la mécréance d'orgueil. Allah Azza wa Jalla, il a dit, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ لَا يَقْبَلُونَ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ نَتْرُكِ الْآلِهَ فِي مَكَّةَ لِهَذَا الشَّاعِرِ الْمَجْنُونَ محمد عليه الصلاة والسلام. Allah Azza wa Jalla, il dit les kuffars de Quraysh, quand on leur disait لا إله إلا الله, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'enorgueillissait. Il se gonflait d'orgueil. Et il disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et de qui il parlait? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu avec le Coran et qu'il leur a récité le Coran, ils se sont dit, c'est une poésie, ils ont dit c'est un poète et il est fou. Et ça montre que la uqul, la raison de Quraysh, elle était faible. Parce que un poète fou, le poète, c'est celui qui emploie celui qui dit les meilleures paroles et qui sait les placer dans les phrases et tout. Et s'il a pas d'aql, comment il va faire ça? S'il est fou, comment il va être un bon poète? Donc Quraysh, c'est eux qui n'ont pas d'aql. Ala kulli hal, la troisième mécréance qu'on est en train de voir, c'est de s'enorgueillir et de ne pas se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, après, quand il a cité le verset où Allah azza wa jalla a dit que Iblis a refusé de se prosterner et qu'il s'est enorgueilli et qu'à cause de ça, il est devenu mécréant parmi les mécréants, il dit, Iblis, ma jahada amr Allah. Iblis, il n'a pas contesté l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wala ankarahu. Il ne l'a pas contesté, il ne l'a pas repoussé. Est-ce que Iblis, il a dit, non, cet ordre, il n'est pas bon? Iblis, il sait que l'ordre d'Allah, il est bon. Iblis, il n'a pas dit, هذا الأمر لا يصلح. أمرتني بالسجود لآدم هذا الأمر لا يصلح. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ton ordre, il n'est pas bon. Parce qu'Iblis, il sait que son ordre, il est bon. Mais, il n'a pas voulu se soumettre à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وطعنا في حكمة الله. Il a critiqué la sagesse d'Allah. والعياذ بالله. قال أأسجد لمن خلقت طينا كأنه يقول لله عز وجل أنت ما عندك حكمة والعياذ بالله. Iblis, c'est comme si qu'il a dit, Allah, tu n'as pas de sagesse. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de me prosterner devant ce que tu as créé de terre. L'homme, il est créé de terre. Iblis, il est créé, le djinn, ils sont créés de feu. Et les anges, ils sont créés de lumière. Il lui a dit, je suis mieux que lui, moi. Tu me demandes de prosterner devant la terre alors que moi je suis fait de feu. Donc, il n'a pas dit que son ordre il est pas bon, mais il a dit que sa sagesse elle est pas bonne. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ Il a dit, je ne vais pas me prosterner devant ce que tu as créé d'argile ou de terre. Et après, il a cité notre verset. La quatrième catégorie de mécréance, as-su'al as-sabi'u wa sittun ba'd al-mi'a, question 167, ma huwa kufru an-nifaq. Qu'est-ce que l'on veut quand on parle de mécréance, d'hypocrisie? Qu'est-ce que l'hypocrisie? La réponse, huwa ma kana bi'adami tasdiq al-qalb wa 'amalihi ma'a al-inqiyad dhahiran riya'an lin-nas ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. Donc, qu'est-ce que la mécréance d'hypocrisie? Qu'est-ce que l'hypocrisie qui rend la personne mécréante? La réponse, c'est une personne où c'est le fait de ne pas croire dans le cœur, mais faire les actes apparents. C'est-à-dire que la personne, elle pratique l'islam, يطبق l'islam في الظاهر. لكن في قلبه لا يصدق بالإسلام في قلبه كافر ويظهر للناس أنه مؤمن. L'hypocrisie, c'est que dans le cœur il y a la mécréance, et dans les membres il y a l'islam. Tu vois, la personne, elle prie, elle obéit à Allah, etc., et en vérité elle n'est pas croyante, elle est mécréante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ces gens là qui font ça par peur des autres, ou par pour le regard des autres. Exactement. Al-munafiq, la ya'mal an-nifaq. Exactement. Al-munafiq, c'est-à-dire l'hypocrite, c'est celui qui fait l'hypocrisie. Et le prophète alayhi salatu wa salam fi hayatihi alayhi salatu wa salam marhalatan. Al-marhalatu al-makkiyya. Il y a deux étapes dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Une qui a duré 13 ans et l'autre qui a duré 10 ans. L'étape qui a duré 13 ans, c'est l'étape qu'il a passée à la Mecque. Et l'étape qui a duré 2 ans, al-marhalatuthaniya, 10 ans, c'est l'étape qu'il a passé à Médine. Fi al-marhalati al-makkiyya ma fiha munafiq. في المرحلة المدنية فيها المنافقون. لماذا؟ Dans la première étape, pendant les 13 années où le prophète était à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Et quand il est passé à Médine et qu'il y est resté pendant 10 ans jusqu'à mourir, alayhi salatu wa salam, il y a eu des hypocrites comme Ibn Saloul, dont il nous parle ici. هذا من رأس المنافقين. Fait partie des têtes des hypocrites. Pourquoi les hypocrites, ils sont venus à Médine et il n'y en avait pas à la Mecque? C'est qui peut répondre à cette question? L'islam était en force. Là, في مكة كان فيها الكفار وكان فيها المسلمون. إما كافر بين مسلم بين لكن ما فيها منافق. في مكة c'est soit un كافر واضح يقول لك أنا ما. Ils avaient peur à Médine. Ils avaient peur à Médine. À Mecca, pourquoi il n'y avait pas d'hypocrite à Mecca? Parce qu'ils pouvaient répondre contre l'islam, si vous voulez, comme tu as dit, si vous voulez, ils ne pouvaient pas l'accepter, si vous voulez. Tandis qu'à Médine. À Mecca, les kofars, ils étaient en force. Voilà, et tandis qu'à Médine. Donc, comme ils étaient en force, ils n'avaient pas besoin de cacher le coffre. Ben, au contraire, ils montraient le coffre, la mécréance, et ils allaient combattre les gens qui rentraient dans l'islam. Mais quand le prophète il arrivait à Médine, alayhi salatu wa salam, al-muslimun sarat lahum al-quwa wal ghalaba ala an-nas. Fa khafa al-kafirun saru munafiqin. Qalu nahnu muslimun, nahnu nusalli, lannahu yakhafun min al-muslimin. Donc, quand le prophète il est passé à Médine, les musulmans ils sont devenus forts et ils ont eu des armées, ils ont pu se défendre, ils avaient la peau à la force. Et là les mécréants ils avaient plus la force, donc ils avaient, quand la seule solution qu'ils avaient c'était de dire ana muslim ana mu'min ana nusalli, moi je suis musulman, moi je prie. Et en vérité fil qalb kafir mi'a bil mi'a, en vérité dans le cœur c'est un pur mécréant. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala amara an-nabi alayhi as-salam bil hijra ila al-madina litakuna hunak lahum al-quwwa. C'est ça qu'Allah azza wa jalla il a dit au prophète alayhi as-salam de partir de la Mecque pour aller à Médine, parce que les gens de Médine ils étaient prêts à accepter l'islam, ils étaient prêts à accepter l'islam. An-nabi alayhi as-salam il a envoyé Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu safir al-muslimin أرسله إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام قابلوا الإسلام فكانوا مستعدين لقبول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام il a envoyé le compagnon qui est Mus'ab ibn Umair avec des autres à Médine pour préparer le terrain. Mus'ab il a appelé les gens à l'islam, ils ont accepté, ils étaient prêts à accueillir le prophète عليه الصلاة والسلام. Et le prophète il a émigré, il a envoyé les compagnons un par un et lui il a émigré en dernier avec qui? Avec qui? Avec Abu Bakr. Combien de temps ça a duré de Mecca à Medina en marchant? 12 jours. Alayhi salatu wassalam. Et quand il est arrivé à Medina, les gens l'ont accueilli, ils l'ont accepté. Donc ils avaient le temps de se former. Ils avaient le temps de se renforcer. Et ils se sont renforcés. Il restait des kuffars à Medina. Ces kuffars, ils étaient fi dha'f. Ils étaient dans la faiblesse. Donc ils ont trouvé que le nifaq qui va les protéger. Ils ont trouvé que d'être hypocrite. Donc un nifaq c'est quoi? C'est idhar al-islam wa ibtan al-kufr. C'est ça le nifaq. Exactement. C'est l'inverse de juhud. Hein? C'est pratiquement l'inverse de kufr. Voilà. Kufr al-juhud, la contestation c'est quoi? C'est que yubtin الإيمان ويظهر الكفر النفاق العكس يظهر الإيمان ويبطن الكفر يخفي الكفر. C'est-à-dire l'hypocrite lui dans son cœur il n'y croit pas mais devant les gens il fait. الجاحد celui qui conteste dans son cœur il y croit et dans les membres il fait rien, il dit qu'il y croit pas. Et on a vu pourquoi il y a le juhud et pourquoi il y a le nifaq. Fi Mecca c'est juhud, fi Medina nifaq. À Mecca c'est la contestation et à Médine c'est nifaq. On a compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il parle des hypocrites, et parmi les chefs des hypocrites Ibn Saloul wa Hizbuhu et les gens qui l'ont suivi qui font partie des pires munafiqin. Allah azza wa jalla il a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et parmi les gens, il en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ça, Allah ici parle des hypocrites, ceux qui font semblant de croire mais dans le cœur ils n'y croient pas. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils cherchent à tromper Allah et les gens qui ont cru. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Alors qu'ils ne trompent que eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte. هذا يعني المنافق جاهله من أعظم الجهل. L'hypocrite, l'ignorance de l'hypocrite, عليكم السلام. C'est la pire des ignorances. Pourquoi? Parce qu'Allah ici nous dit, ils veulent ruser et ils veulent tromper Allah. Ils ont cru que quand ils vont dire nous sommes croyants et qu'ils vont venir à la mosquée comme tout le monde, ça va suffire pour tromper Allah et son prophète alayhi salam. Et ici Allah il dit alors qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte, tellement ils sont ignorants, tellement qu'ils sont insouciants. Fi qulubihim marad. Ensuite Allah il nous explique pourquoi ils croient qu'ils vont tromper Allah et son prophète. Pourquoi? À cause de quoi? Ma huwa sabab fi qulubihim marad. Parce que dans leur cœur il y a une maladie. Ma huwa al marad? Nifaq. Dans leur cœur il y a une maladie qui est l'hypocrisie. Fazadahumullahu maradan. Et Allah il leur a rajouté de la maladie à ces gens-là. Ma huwa sabab limadha yazidullahu lahum maradan? bima kanu yakdhibun, bima kanu yakdhibun. Allah leur a fait accroître cette maladie, leur a rajouté de la maladie à cause de ce qu'ils mentaient. Mata kadabu, quand ils ont menti. Indama qalu nahnu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum ma yu'minun, quand ils ont dit nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils n'y croyaient pas, et bien à cause de ça Allah il leur a rajouté dans le cœur de la maladie. Et aussi quand ils sont entre eux, wa idha khalu ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un, quand ils se retrouvent entre eux avec les diables, entre eux la shayatin mais la djinn wal ins, quand on parle de shayatin on dit shaytan jinni, shaytan insi, الذي يعصي الله, ceux qui désobéissent à Allah, eux quand ils sont entre eux là ils disent nous n'y croyons pas, on ne fait que de se moquer d'eux. Allah qu'est-ce qu'il a dit? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa hum ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se moque d'eux, ils ne s'en rendent même pas compte, c'est lui qui se moque d'eux et ils vont le voir le jour du jugement dernier. Et Allah azza wa jalla quand il a dit Allah yastahzi'u bihim, c'est Allah qui se moque d'eux. Allah il nous explique ça dans sourate al-Hadid, comment Allah il va se moquer d'eux yawm al-qiyamah, comment Allah subhanahu wa ta'ala il va se moquer d'eux. Al-munafiqoun, quand ils vont voir al-muslimin, Allah Azza wa Jalla dans sourate al-Hadid il nous explique que les hypocrites ils vont vouloir suivre al-mu'minin, et quand ils vont voir al-mu'minin avec nous ils vont leur dire donnez-nous de votre lumière. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il va les accepter? Il ne va pas les accepter. Il va les rejeter. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم نأخذ من نوركم. Le jour où les hypocrites et parmi les hommes et les femmes diront aux croyants attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière. Ça c'est يوم القيامة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. عليكم السلام. Allah il leur dit retournez derrière vous et allez chercher de la lumière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner derrière eux et Allah il va séparer les croyants des hypocrites. Et c'est de ça qu'Allah il parle quand il dit Allah yastahzi'u bihim. Et ça c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Et donc là ils vont tous marcher ensemble. Les hypocrites ils n'auront pas de lumière, les croyants ils auront de la lumière. Ils vont dire aux croyants, attendez-nous, donnez-nous de la lumière. Allah, il va leur dire, ou on va leur dire, retournez derrière vous, allez chercher. Tous les hypocrites, ils vont se séparer des croyants. Et Allah, il va mettre une porte ou un obstacle entre les deux. Et c'est de ça qu'Allah, il parle, il dit, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. C'est-à-dire qu'on va mettre entre eux un grillage ou un obstacle qui aura une porte. باطنه فيه الرحمة هذا جانب المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Donc ils vont se séparer, Allah il va mettre un obstacle avec une porte au milieu d'eux. À l'intérieur de cet obstacle il y aura la rahma, la miséricorde d'Allah pour les croyants qui sont de l'autre côté, et de l'autre côté, du deuxième côté, il y aura l'azab, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ils vont se parler. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. Les hypocrites, ils vont appeler les croyants de l'autre côté. N'étions-nous pas avec nous, avec vous? كُنَّا نُصَلِّ مَعَكُمْ كُنَّا نَصُومُ مَعَكُمْ كُنَّا فِي الْمَسْجِدْ مَعَكُمْ. On priait avec vous, on jeûnait avec vous, on était à la mosquée avec vous. Et qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? قَالُوا عَلَيْكُمْ سَلَامُ قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. وتربصتم وارتبتم أي شككتم عندكم شك في الله والعياذ بالله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله فغركم بالله الغرور الغرور هو الشيطان غركم الشيطان. Et là, quand ils vont parler entre eux, les croyants vont leur dire, si vous étiez avec nous, mais vous vous êtes fait tromper par un shaitan, il vous a trompé et... Vous avez temporisé. Et voilà, kulli hal, ma'ana global, tu vois. Il va leur dire que un shaitan, il vous a trompé et que vous avez suivi vos faux espoirs. Et vous avez suivi vos faux espoirs. Donc, ils ne pourront pas venir de l'autre côté. Ala kulli hal, النفاق ما هو إظهار الإسلام إبطان الكفر. النفاق c'est le fait de montrer en apparence que tu pries, que tu fais toutes ces choses là et en vérité t'es un كافر بالله. فالمنافق والكافر لا فرق بينهم في الحقيقة. En vérité le كافر qui fait rien et le منافق il y a pas de différence. كلهم كفار لكن أنواع كفر نفاق كفر جحود كفر كذا كفر كذا. C'est vrai que les munafiqins, ils sont encore en dessous de... Exactement. Ils ont une punition plus. C'est ce que j'allais dire tout de suite. Et les hypocrites, ils seront encore plus châtiés par Allah. Inna al-munafiqin fi d-dark al-asfal min an-nar. Wa lan tajida lahu nasira. Les hypocrites seront dans le plus profond degré, dans le plus bas fond de l'enfer. Ils seront tout en dessous. Et personne ne pourra les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils se moquaient d'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse fit dunya croire qu'ils ont réussi à tromper Allah et son prophète, mais où est-ce qu'il va les mettre ensuite? Tout au fond de l'enfer, en dessous des kuffars de Quraysh, en dessous d'eux qui ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam, en dessous d'eux, encore plus profond qu'eux. Allah yahfadhuna min présent. Il peut être moqueur, mais positif. C'est. Mais ça. Quelqu'un n'a pas le droit de prier, mais il prie quand on le cachette. Il dit que. Ouais, mais c'est un autre. Ils sont traités par les musulmans en tant que des musulmans. Exactement. C'est la seule catégorie des koufars qui sont traités. Exactement. Les munafiqoun. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم كأنهم مسلمون وهو يعلم أنهم كفار. Le prophète عليه الصلاة والسلام نعم prophète عليه الصلاة والسلام il connaissait tous les hypocrites de Médine. Il a même donné une liste à Hudhayfa ibn al-Yaman. Il a dit tiens garde-la avec toi, il y a le nom des munafiqin dedans, tu le dis à personne ou tu la gardes avec toi. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il savait que Hudhayfa il avait la liste. Il est parti voir Hudhayfa Umar ibn al-Khattab. Il lui a dit "Ana bil ma'na billah alayk, qul li hal ismi mawjoud fil maktoub fil subhana rabbil alamin." Umar ibn al-Khattab, il a dit à Hudhayfa "Je te demande par Allah, est-ce que mon nom il est écrit dans la liste des hypocrites?" Ya khaf min an-nifaq. Hadha huwa al-iman al-qawi. Al-mu'min al-qawi da'iman ya khaf min Allah subhanahu wa ta'ala. يخاف أن يكفر بالله، يخاف من النفاق، يخاف من معصية الله، لا يأمن مكر الله. Le vrai croyant, il a toujours peur de tomber dans le péché, toujours peur de désobéir à Allah. Celui qui a toujours peur de ça, c'est ça la vraie, c'est-à-dire qu'il a vrai iman. Celui qui n'a jamais peur, celui-là, il est en danger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait que c'est des hypocrites. Il sait qu'ils sont kuffar. Mais pourtant, il marche avec eux comme avec des musulmans. Il leur passe le salam et il fait avec eux ce qu'il fait avec un musulman. Limada? Al-Nabi alayhi salam kan yuqatilu al-kuffar wa la yuqatilu al-munafiqin min al-kuffar. Limada? Hada fihi hikma azima. Fat alayhi salam, il combattait les mécréants. Mais la catégorie de mécréants qui sont les hypocrites, ils ne les combattaient pas. Pourquoi? Il a pas à dire comme un fitna entre eux. Regarde, Mohammed, il utilise un cadre. Pourquoi? Parce que Nas, les autres gens, ils ne savent pas que le munafiqoun, c'est des kuffars, ils sont mécréants. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. Il a dit je les combats pas cela pour que les gens ne disent pas Mohammed tue ses compagnons, parce que les autres gens ils savent pas qu'ils sont des hypocrites. Vous avez compris? Donc s'il les combat, les gens ils vont dire Mohammed il combat ses compagnons, on n'en veut pas de cette religion. Et ça c'est fi hada al-hikma fi al-islam ou fi da'wati ila al-islam. Et dedans il y a la sagesse quand on appelle les gens, quand on appelle les gens à l'islam. Et pour nous aussi, à chaque fois qu'on doute, il dit un tel est hypocrite, on va le combattre. Il y aura une fuite là. Aussi. Taïr. On va passer à la question suivante. Vous vous rappelez qu'on a dit que laïsa kullu kufrin yukhriju min al-islam. Ce n'est pas toute mécréance qui fait sortir de l'islam. Hunaka ba'd al-a'mal hiya kufr, lakin asra. Il y a des actions qui sont de la mécréance, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Al-an, maintenant, on va voir avec le Coran ou la Sunna la preuve de ça. Des choses qui ont été appelées par le Rasoul alayhi wa sallam kufr, et ma'a dhalika al-rajul mu'min ou muslim la yakhruju min al-islam. On va voir des choses qui ont été appelées mécréances dans le Coran, dans la Sunna, mais le prophète alayhi wa sallam il nous montre que celui qui fait ça, ce n'est pas un kafir. السؤال الثامن والستون بعد المئة. La question 168. ما هو كفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ Quelle est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam qu'on a appelé le كفر العملي بسبب عمل؟ يعني quelle est cette mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam؟ C'est ça le résumé de la question. الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. La réponse, c'est toute désobéissance citée par Allah ou par son prophète alayhi salatu wa salam. Quand on dit الشارع هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام. كل معصية ذكرها الله أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. Toute désobéissance qu'Allah a cité ou que le prophète عليه الصلاة والسلام a cité et en disant que c'est une mécréance, mais en citant que la personne qui fait ça elle reste croyante. مثال ذلك ما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith là il a dit ne revenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres, ne devenez pas après moi mécréants. Le Nabi عليه الصلاة والسلام il a dit kufar ici, il a dit ne devenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres, yani en se frappant, tadrib darb al-unuq, yani al-harb al-qital, ne vous combattez pas après moi. Wa qawluhu alayhi salatu wa salam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Le prophète a aussi dit alayhi salatu wa salam insulter le musulman est de la perversion ou transgression ou perversion. Et le combattre est de la mécréance. Taïeb. Al-an, maintenant, si on prend que ces hadiths-là, là, et qu'on comprend pas, on va dire, alladhi yuqatil al-muslim kafir. On va dire, celui qui combat le musulman, c'est un mécréant. Parce que le prophète, alayhi salam, a dit, ne devenez pas mécréants après moi en vous combattant les uns les autres. Et parce que le prophète, alayhi salam, a dit, combattre le musulman est de la mécréance. Walakin. إذا قرأنا كتاب الله عز وجل سنفهم أن المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر. Si on lit le livre d'Allah عز وجل, on va voir que le kufr ici c'est de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Allah سبحانه وتعالى فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله تعالى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلَى قَوْلِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأصلحوا بين أخويكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un verset, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconciliez-les. Donc ici Allah, qu'est-ce qu'il a dit? طائفتان جماعتان من المؤمنين اقتتلوا هذا قتال. والله عز وجل قال من المؤمنين هم مؤمنون, والنبي عليه الصلاة والسلام قال قتاله كفر. إذن هذا الكفر هو الكفر الأصغر, الكفر الأصغر لا يخرج من الإسلام. Donc Allah عز وجل il a dit, et quand deux groupes de croyants ou parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Alors que le prophète alayhi salam il a dit combattre le croyant est de la mécréance. Et Allah azza wa jalla il a dit que deux groupes de croyants qui se combattent, et comment il les a appelés? Croyants, mu'minin. Donc on comprend que la mécréance dont on parle, ce n'est pas la mécréance qui fait perdre l'iman. Laysa al-kufr alladhi yuzil al-iman يعني يزيل الإيمان كله بل يزيل بعضا منه ويبقى أصل الإيمان. On comprend que combattre le musulman c'est de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Vous avez compris ou pas? Je recommence. Alhamdulillah. Hein? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Ouais. T'as compris? T'as. Et c'est pour ça qu'à la fin Allah il a dit innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum hum yaqtatilun wa hum mu'minun ikhwa. Ils se combattent et ils sont croyants, ils sont frères. Wa an-nabi alayhi as-salam yaqul wa qitaluhu kufr. كيف في تناقض في القران والسنه ابدا. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran et la Sunna. Et كيف نفهم نفهم ان الكفر كفران اكبر يخرج من الاسلام أصغر لا يخرج من الإسلام. قتال المسلم كفر كفر أكبر لا يخرج من الإسلام. On comprend que la mécréance elle se divise en deux, majeur et mineur. La majeure elle fait sortir de l'islam, la mineure elle ne fait pas sortir de l'islam. Combattre le mécréant c'est une mécréance, c'est une mécréance majeure ou mineure? Mineure. Alhamdulillah. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'ils sont frères et croyants, il n'a pas dit qu'ils ne sont pas frères et qu'ils ne sont pas croyants alors qu'ils se combattent. Wa qala ta'ala fi ayati al-qisas faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan fa athbata ta'ala lahu ukhuwata al-islam wa lam yanfiha 'anhu. Dans le verset du Qisas, qui est la loi du talion, quand quelqu'un il se fait tuer, il se fait assassiner dans l'islam, la loi c'est que le juge il décide avec le Coran et la Sunna que l'assassin il soit exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé une âme, on lui enlève son âme, d'accord? Et Allah Azza wa Jal ici, dans ce verset, il parle de, et ça c'est sauf dans le cas où la famille de la victime pardonne. Si la famille de la victime pardonne et Allah il encourage à faire ça, alors dans ce cas-là, le juge il le laisse partir. Et il devra de l'argent, il devra quelque chose à la famille de la victime. Taïb. Et il se peut que la famille de la victime dise à l'assassin, tu ne dois rien, on te pardonne. Va-t'en. Et ça c'est la meilleure chose. Ala kulli hal, ici Allah il a dit faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un. Ici Allah azza wa jal il parle de la famille de la victime. La famille de la victime avec celui qui a tué. Et il a dit que s'il pardonne à son frère alors qu'il a tué quelqu'un. Et Allah il a dit c'est son frère. C'est ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il a cité le verset. قَتَلَ نَفْسًا وَهُوَ أَخُوهُ. Allah سَمَّهُ بِأَخِيهِ. Il a tué quelqu'un et Allah il a dit c'est son frère. Et le Nabi alayhi salam il a dit وَقِتَلُهُ كُفْرٌ. Donc al-kufr huwa al-kufr al-asghar. Donc c'est la mécréance mineure et pas majeure. Wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa at-tawbatu ma'rudatun ba'd. Zada fi riwaya wa la yaqtulu wa huwa mu'min. وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها يرفع الناس إليه فيها بصرهم الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. Regardez, et ça montre l'ignorance de beaucoup de gens qui ne savent pas lire les hadiths. Il sait lire les lettres là, il sait les lire, mais il ne comprend rien du tout. Il est loin, il lit le hadith il est à l'est et lui il est à l'ouest, il n'a rien compris hadith. Parce qu'il faut du ilm, il faut apprendre, il faut de la connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ce hadith, bien sûr il est authentique, il est rapporté par al-Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait la fornication ne le fait pas en étant croyant. C'est-à-dire que pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Et pendant qu'il vole, il n'est pas croyant, le voleur. Wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Et celui qui boit de l'alcool pendant qu'il vole, pendant qu'il boit de l'alcool, il n'est pas croyant. Wa at-tawbatu ma'rudatun ba'd. Et il a l'occasion encore de se repentir. Wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Et il ne tue pas en étant croyant. Celui qui dit ça et qui ne connaît pas, il lit ce hadith là, ماذا سيقول الزاني هو هو كافر شارب الخمر هو كافر السارق هو كافر. Celui qui ne sait pas lire le hadith, qui ne sait pas comprendre le hadith, quand il va lire ce hadith là, لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن, il va comprendre. Celui qui commet la fornication quand il fornique, il n'est pas croyant, c'est-à-dire c'est un kafir, parce que le Nabi al-Salam il a dit qu'il n'est pas croyant. Et ça c'est un jahl azim, c'est une immense ignorance, parce que le maqsoud laysa al-kufr al-akbar alladhi yukhriju min al-islam, parce que ce qui est voulu ici ce n'est pas la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça que quand le Nabi al-Salam il a dit ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mat illa dakhala al-jannah, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah puis qui meurt sans entrer au paradis. Abu Dhar il s'est étonné, il lui a dit ya Rasulallah wa in zana wa saraq, même s'il fait la fornication et s'il vole, qu'est-ce qu'il a dit Nabi alayhi salam, wa in zana wa saraq wa in zana wa saraq wa in zana wa saraq ala raghmi abi ala raghmi anfi abi dhar. Il a dit même s'il fornique et il vole, même s'il fornique et il vole, même s'il fornique et il vole, n'en déplaise à Abu Dhar, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Taïb. Donc on voit qu'à un moment il nous dit qu'il n'est pas croyant, et à un autre moment il nous dit qu'il va entrer au paradis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas la mécréance majeure, c'est la mécréance mineure. Et comprend que le kufr dans les textes du Coran et les textes de la Sunna, elles se divisent en deux. Celle qui fait sortir de l'islam, celle qui ne fait pas sortir de l'islam, et que le musulman ne doit pas se précipiter à lire comme ça, à croire qu'il a tout compris. طيب. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. Donc, tous ces hadiths-là, ils nous montrent que le prophète والسلام, n'a pas dit que celui qui fornique, qui vole, qui tue ou qui boit de l'alcool est un mécréant complètement tant qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans associer, tant qu'il ne fait pas de shirk billah subhanahu wa ta'ala. فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي. Car si le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a dit que Sharib al-Khamr, celui qui boit de l'alcool, celui qui fait zina, celui qui vole, n'est pas croyant, s'il avait voulu par ça que c'est un kafir billah azza wa jal, il n'aurait jamais dit alors celui qui dit la ilaha illallah va rentrer au paradis. Parce que Sharib al-Khamr min al-Muslimin ou Sariq al-Zani, yaqul la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah. Tayyib. فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا نَفْسُ الْمُؤْمِنَةِ. N'entrera au paradis qu'un croyant, que quelqu'un qui est croyant. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَقْصَ الْإِيمَانِ وَنَفْيَ كَمَالِ. Mais le prophète a.s. a voulu, en disant qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas une bonne croyance, il n'a pas la foi complète. Son iman, il n'est pas comme il faut. C'est ça qu'il a voulu dire. يعني إيمانه ناقص. يعني لا يزني زاني حين يزني حين يزني وهو مؤمن أي الزاني إيمانه ناقص. هذا معنى الحديث. Le sens du hadith, c'est celui qui fait zina, والعياذ بالله, son iman, sa foi, elle est faible, elle est basse. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. Et à la fin, il nous donne une règle, une chose qui est très importante. Il nous dit que la personne qui fait ces choses-là, elle n'est pas mécréante, mais elle peut être mécréante dans un cas, dans un cas. إذا قال هذا حلال الآن الآن نعم هو الكفر الأكبر. S'il dit que cette chose est halal, كبائر الذنوب. S'il dit que الزنا c'est halal. S'il dit que voler c'est halal. S'il dit que tuer c'est halal. S'il dit que boire de l'alcool c'est halal et tous ces péchés là. S'il dit que c'est halal, là il tombe dans le كفر الأكبر. Là il mécroit en Allah. لا يكفر بالله لأنه زنا يَكْفُرُ بِاللَّهِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدْ أَنَّ هَذَا حَلَلْ. Et là, il ne mécroit pas en Allah parce qu'il a bu de l'alcool ou parce qu'il a volé. Il mécroit en Allah parce qu'il a cru que c'est halal de faire ça. Parce qu'il a dit que c'est halal de faire ça. بَلْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ. Il mécroit en Allah s'il croit que c'est halal, même s'il ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait le zina, mais il dit que c'est halal. Le simple fait de dire que c'est halal, de voler, de faire zina, et eh ben il a kfour billah, il a mécrit en Allah. Pourquoi? لأنه تكذيب لكلام الله وكلام الرسول. وتكذيب كلام الله وكلام الرسول كفر بالله. Parce qu'il a mécru, il a démenti la parole d'Allah et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Et démentir la parole d'Allah et du prophète qui nous ont dit que c'est haram de mentir, de voler, etc. Et eh ben ça c'est de la mécréance. Mais sinon ces actes là là, ils ne sont pas de la mécréance qui font sortir de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que la mécréance, ça se divise en deux. Celle qui fait sortir de l'islam, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, celui qui lit un texte comme ça, il ne doit pas croire directement que c'est le kufr al-akbar. C'est le kufr al-akbar. Oui. La secte de takfir, ils n'ont pas ce taqsim là, non? On ne rentre pas dans ça. Non. On va passer à la question suivante, inshallah. As-su'al at-tasi' wa sittun ba'd al-mi'ah. La question 169. Ou avant de rentrer dans cette question, un autre exemple. An-nabi alayhi as-salam yaqul wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qalu man ya rasulallah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. أذى الذي لا يجنب الجار أذى يؤذي جار الذي يؤذي جار. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Les compagnons ont dit, qui ya Rasulallah, c'est qui celui-là qui n'est pas croyant là? Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. C'est-à-dire celui qui fait du tort à son voisin, celui qui fait du bruit, qui gêne son voisin. celui qui met tout le temps des saletés devant la porte de son voisin, celui qui respecte pas son voisin. Dans l'islam, respecter le voisin, c'est une chose très très grande. À un point, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que tellement que Jibril m'a parlé du voisin, j'ai cru qu'il allait prendre une mirah. J'ai cru qu'il allait hériter de moi après ma mort. Taïb, l'héritage. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a juré 3 fois par Allah que ce n'est pas un croyant, celui qui fait du mal à son voisin. Al-ma'na hadha annaka ita. إذا أزعجت الجار أنك كافر النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن كيف لا est-ce que ça veut dire que tu es un mécréant quand tu déranges ton voisin jamais sinon on est tous des mécréants والعياذ بالله الله يحفظنا طيب mais le prophète ici il a juré trois fois qu'il n'est pas croyant ما هو معنى الحديث والله إيمانه ناقص والله إيمانه ناقص والله إيمانه ناقص هذا معنى الحديث ça veut dire jure par Allah que sa foi elle est faible je jure par Allah que sa foi est faible je jure par Allah que sa foi est faible فلا تستعجل إذا قرأت ne te presse pas quand tu lis un hadith طيب سؤال التاسع والستون بعد المئة question 169 إذا قيل لنا السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر العملي Il dit, si quelqu'un nous pose une question et cette personne donc nous dira que se prosterner devant le sanam se prosterner devant une statue ou bien mépriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou insulter le prophète alayhi salatu wassalam ou se moquer et prendre en raillerie la religion tous ces actes mépriser le livre d'Allah insulter le prophète se moquer de la religion ou se prosterner devant une statue tous ces actes là sont des actes apparents. Sont des actes apparents. Donc, pourquoi vous dites, si quelqu'un nous dit, pourquoi vous dites que ces actes-là, ils font sortir de l'islam, alors que vous nous avez dit que al-kufr al-asrar ou al-kufr al-amali, alors que vous nous avez dit que la mécréance mineure, c'est la mécréance qui est dans les actes. Et ces choses-là sont des actes. C'est-à-dire, vous nous avez dit que la mécréance mineure, c'est ce que l'on voit que dans les actes. Ce n'est pas une chose qui est dans le cœur. Et ces actes-là, ces choses-là, là, qu'on a citées, insulter le prophète, amen. C'est un acte. Prendre en raillerie la religion ou le livre d'Allah, Azza wa Jalla, c'est un acte. Se prosterner devant une tombe ou se prosterner devant une statue, c'est un acte. Comment dites-vous alors de ces choses-là qu'elles sont de la mécréance majeure Al-Jawab. I'lam anna hadhihi al-arba'a wa ma shaka laha laysa hiya min al-kufr al-amali illa min jihati kawniha waqi'atan bi'amal al-jawarih fima yadhharu lin-nas walakinaha la taqa'u illa ma'a dhahabi 'amal al-qalb min niyyatihi wa ikhlasihi wa mahabbatihi وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Donc la réponse à cette question c'est qu'il a dit sache que les quatre choses qu'on vient de citer se prosterner devant le sanam devant la tombe devant la statue ou prendre en raillerie le livre d'Allah alaykoum salam ou insulter le prophète ou se moquer de la religion sont des actes apparents. Mais ces actes apparents, en vérité, ils sont le résultat de ce qu'il y a dans le cœur comme disparition de la foi. Il n'y a pas de foi. C'est-à-dire qu'une personne qui se prosterne devant une tombe, ou une personne qui insulte Allah et son prophète, ou qui prend en raillerie la religion, ne peut en aucun cas être une personne croyante. Parce que l'iman, l'iman billah azza wa jal, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle empêche de faire ça. Et celui qui insulte Allah azza wa jal, celui qui insulte le prophète alayhi salam, qui insulte le Coran, il ne peut pas avoir l'iman celui-là. C'est impossible. Ce n'est impossible. Et ici, il va nous donner un exemple qu'Allah il a cité dans le Coran, qui s'est passé dans Razwat Tabuk. Donc, il nous dit que même si ces actes-là, ils sont des actes apparents, en vérité, ils sont les résultats d'un acte du cœur. Ils sont les résultats de ce qu'il y a dans le cœur. Et Razwat Tabuk, dans la bataille, l'expédition militaire de Tabuk, le prophète, alayhi wasallam, il s'est arrêté avec les compagnons, avec les sahaba, radiyallahu anhum, dans un endroit. Et Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il faisait partie des meilleurs sahaba, des compagnons. Il était assis à côté d'une bande de gens. Ces gens-là, ils étaient avec le prophète, alayhi wasallam, dans la bataille. Et ils se sont parlé entre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك وعليكم السلام ورحمة الله يعنون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on n'a jamais vu de gens, je vais vous résumer la parole. Ils étaient assis, Abdurrahman ibn Auf, il les a écoutés en train de parler entre eux. Et ils ont dit, on n'a jamais vu des gens aussi gros que ces, avec des ventres aussi gros que ceux-là, avec des langues aussi mensongères que ceux-là, et on n'a jamais vu des gens aussi lâches que ces gens-là quand ils rencontrent l'ennemi. C'est-à-dire, ils parlent de qui? Ils parlent du prophète, alayhi sallam, ils parlent des sahaba. Ils se sont assis entre eux et ils ont dit, regardez comment ils sont gros ces gens-là. Regardez comment c'est des menteurs. Regardez comment ils ont peur des ennemis pendant la bataille. Abdurrahman ibn Auf, mawjoud, yasma hada. Il est assis, il écoute ça. Qu'est-ce qu'il dit? Kadhabta. Walakinaka munafiq. Tu as menti. Et tu es un hypocrite. La ukhbiranna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu as menti. Et d'ailleurs, tu es un hypocrite. Je m'en vais de ce pas informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abdurrahman ibn Auf, il a couru vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin, sabaqahu wahiyullah azza wa jal. Allah anzal al-Quran akhbar al-Nabi, alayhi salatu wassalam, bihada. Quand Abdurrahman ibn Auf, il est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que le prophète, sallallahu alayhi salam, il savait déjà ça. Parce qu'Allah, il a révélé des versets pour parler de ce qui s'est passé. Et Jibril, il est venu, et il a dit au prophète, alayhi salam, ce que ces gens, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils se sont moqués du prophète, alayhi salam. Ils se sont moqués des compagnons, les savants des compagnons, al-Qurra. Al-Qurra sont ceux, ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui le mettent en pratique. Donc ce sont les savants de l'islam. Le prophète, alayhi salam, il l'a déjà su parce qu'Allah lui a révélé l'ayah, le Coran. Après cet homme-là, là, quand il a vu que Abdurrahman ibn Auf, alayhi salam, il est parti voir le prophète, alayhi salam, pour lui informer de ce qui s'est passé, il a couru pour aller s'excuser. Abdurrahman ibn Auf qui raconte ça, il dit, je m'en rappelle encore, là je vous traduis, je vous résume, je m'en rappelle encore, il était en train de tenir la sangle de la chamelle du prophète, al-Sassalam, la sangle, les deux cordes que tu tiens quand tu avances avec le chameau. Il tenait la sangle de la chamelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses pieds, il traînait par terre, et il disait, Allah, ya Rasulallah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Et à Rasulallah, on ne faisait que de plaisanter. Il dit cet homme-là, on ne faisait que de plaisanter. Il dit, كُنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثِ نَقْتَعُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ. Il dit, on a voulu juste se soulager dans la difficulté du voyage. On voulait parler comme ça. On n'a jamais pensé ce qu'on a dit. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليهم لا ينظر إليهم ولا يزيد عن قوله عز وجل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, Allah lui a dit avant qu'il arrive, il lui a dit ولا إن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Allah il lui a dit au prophète, si tu leur demandes pourquoi ils ont fait ça, ils vont te répondre, on ne faisait que plaisanter, on ne faisait que de s'amuser, jamais on a voulu dire ça de toi, ya Rasulallah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Réponds-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après votre foi. Après votre iman. Et les savants, ils ont tiré beaucoup de choses de cette histoire-là. Ils ont tiré que de se moquer d'une chose de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr billah, wa bi ayatihi, wa bi rasulihi. Anta ta'amman. Réfléchis avec moi le verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont moqués de qui exactement? De Rasul, alayhi salam, et de Sahab. Ils se sont moqués du prophète et des compagnons. Est-ce qu'ils ont parlé des versets d'Allah? Est-ce qu'ils se sont moqués des versets d'Allah dans cette histoire? Là, ils n'ont pas parlé sur le Coran. Ils n'ont pas parlé sur la Sunna. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Il a dit, est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ses versets et de son prophète? Pourquoi? Parce que quand on se moque de quelque chose de la religion, c'est exactement pareil que de se moquer d'Allah, de ses versets et de son prophète. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de la religion, ça vient d'Allah, des versets du prophète. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit que de se moquer, ne serait-ce que du siwak, de rigoler sur le siwak, de rigoler sur l'ihya, de rigoler sur le jilbab, de rigoler sur le qamis, de rigoler sur l'ihya, de rigoler sur le din, de toutes ces choses-là, juste de plaisanter avec ça, même si t'as pas l'intention de te moquer de ça, et bah takfur billah subhanahu wa ta'ala, tu mécrois en Allah azza wa jal. Ma dalil ala hada? Quelle est la preuve de ça? Parce qu'on n'a pas le droit de parler sans ça, de ça sans preuve. Ad dalil hada rajul, cet homme là il est venu, il a dit ya Rasulallah innama kunna nakhud wa nal'ab, yani ma naqsid al istihza billah bi hada al kalam. Cet homme là il a dit ya Rasulallah, on voulait pas se moquer, on ne faisait que de plaisanter, c'est tout. On ne voulait que passer le temps. نَقْتَعُ بِهِ عَنَا الطَّرِيقِ. On voulait passer le temps et on voulait alléger la difficulté du voyage. Et malgré ça, Allah il leur a dit أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Est-ce d'Allah, de ces versets de son prophète que vous vous moquiez? لَا تَعْتَذِرُوا. Ne vous excusez pas. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc Allah Azza wa Jal nous a enseigné, ainsi que son prophète alayhi salam, que de se moquer du din ou de n'importe quoi qui fait partie de la religion, c'est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait partie de la religion, c'est une chose qu'Allah aime. Sinon ça ne ferait pas partie de la religion. Donc quand tu te moques de cette chose, tu te moques de ce qu'Allah il aime. Et quand tu te moques de ce qu'Allah il aime, tu te moques de la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Donc tu te moques directement d'Allah en vérité. C'est-à-dire celui qui se moque du siwak, il ne sait pas qu'il se moque d'Allah en vérité. Celui qui se moque de l'ihya et qui dit ha'oula ashab l'ihya, etc., il ne sait pas qu'il est en train de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se moque du jilbab ou du sitar ou de la fille qui se couvre et qui se cache entièrement, il se moque d'elle, il se moque d'Allah. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِثْمُهُ شَدِيدٌ وَعَظِيمٌ. Celui qui fait ça, il tombe dans un grand péché. قال وَنَحْنُ لَمْ نُعَرِّفِ الْكُفْرَ الْأَصْغَرِ بِالْعَمَلِيِّ مُطْلَقًا بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب وعمله. Il dit, lorsqu'on a dit que la mécréance mineure, c'est la mécréance des actes, on n'a pas voulu dire que tous les actes, que tous les mécréances qui sont dans les actes sont de la mécréance mineure. On a voulu dire la mécréance qui se fait que dans l'acte, qui ne vient pas du cœur. Comme Qital al-Muslim, comme on vient de voir juste avant. Hein? Cette chose-là, c'est une chose qui est, elle est que dans les actes, elle n'est pas dans le cœur. Mais se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salam, ça c'est une chose qui vient du cœur. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a rejeté leur iman à ces gens-là. Wadih? C'est clair. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui n'est pas clair. Le dernier point, c'est donc c'est du kufr, akbar ou le asrar? Le fait de se moquer. Le fait de se moquer, c'est akbar. T'as pas entendu toute l'histoire là? C'est ça. On a une tawba? Non, ils n'ont pas de tawba. Tout le monde a une tawba. Tout le monde a une tawba. Tu peux revenir. Tout le monde a une tawba. Celui qui se repent à Allah, Allah Azza wa Jalla l'accepte. Mais ici, là, dans cette histoire, dans ce moment-là, Allah, il n'accepte pas leur excuse. Allah Azza wa Jalla, il n'accepte pas leur excuse. Il refuse leurs excuses, il ne refuse pas le tawba. Vous avez compris? Il refuse cette excuse, il leur dit, ne vous excusez pas, vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas, repentez-vous, reconnaissez que vous avez mécru en Allah, que vous avez fait un péché, et repentez-vous, et Allah va vous accepter. Ne vous excusez pas pour vous trouver des raisons, vous n'avez pas de raison. Voilà. C'est bon? والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك